Mercredi 8 février 1984. Daniel Kahn. J'espère. Comment que Daniel Kahn voit Daniel Kahn? C'est des questions qui sont originales. Dans un miroir. Comme n'importe qui, je pense qu'on se voit habituellement à travers les autres. Alors, normalement, si je porte un jugement chez quelqu'un, bien souvent, si je m'observe, souvent, le jugement irait mieux sur moi que sur un autre. Alors, comment Daniel Kim voit Daniel Kim? En ce qui concerne bien des phénomènes, justement, ça va être en les constatant chez autrui que je vais pouvoir, à un moment donné, me rendre compte que ce que je vois chez autrui, c'est ce que je devrais voir chez moi. Puis c'est pas à cause que c'est une parole biblique, là, c'est parce que c'est un fait que j'en parle. Et qu'est-ce que tu vois chez autrui? Ah ben des bonnes choses. Ça va de soi, vu que je me regarde. Chez autrui. Premièrement, l'autrui est en évolution. Alors, vu que je suis en évolution, moi, ça me permet de m'en rendre compte. Donc, ce que je vois chez autrui, c'est encore rapport à moi. Je vois aussi certaines choses qui sont pas correctes, qui sont pas nécessaires. Qui sont peut-être un peu plus amplifiés chez autrui que chez moi, parce qu'à un moment donné, ben, je m'en suis rendu compte étant plus jeune, puis il y a des choses qu'on change à la longue. À un moment donné, on arrête de perdre notre temps, puis on se force à faire de quoi? On perd encore notre temps tout le temps un peu, jusqu'à un certain moment donné où ce que on va être clair de ça. Alors, chez autrui, je vois des problèmes, certaines peurs, qui vont refléter pas nécessairement mon état présent, mais qui des fois vont refléter un état que j'ai déjà eu. Parce qu'une chose qui est importante, c'est que quelqu'un qui est dans un état peut pas connaître cet état-là. Okay? Un adolescent va parler d'adolescence une fois adulte. L'adolescent peut parler de l'enfance, mais pas quand il est enfant. Alors, il y a des choses que je peux constater quand même chez une autre personne. Ces choses-là, c'est des choses que j'ai déjà eues, que j'ai déjà vécues, mais qui sont plus, mettons, mon apanage. C'est mon hérédité. C'est passé, c'est réglé en ce qui me concerne. Alors, chez les individus, je peux voir, par exemple, certaines peurs qui reflètent mon état mémoriel, c'est-à-dire qui reflètent ce que j'ai déjà été. À partir de là, moi, je ne suis plus ça, mais je peux quand même me rendre compte, on pourrait dire, entre guillemets, les aider, mais je peux quand même réagir d'une certaine façon qui est différente de ce que les autres individus vont réagir face à ce que je peux constater chez une personne, par exemple, qui aurait des peurs. Et c'est quoi les... Qu'est-ce qu'une peur? Tu vous dis que c'était épeurant d'en parler. Une peur. Parce qu'il y a plusieurs genres de peur. Il y a la peur C'est-à-dire noire, qu'il il y y a la a. peur bleue. Oui, la peur de toi. Non. Il y a une peur. Il y a seulement une peur. Il ne peut pas y avoir plusieurs peurs. Par contre, il peut y avoir plusieurs représentations de la même peur. OK? Si on parle de la lumière, ou d'une couleur, un bleu. Si je mets un bleu devant, mettons, un peuple, une masse de monde, le bleu va être perçu, tout le monde va dire c'est bleu. Mais en ce qui concerne, par exemple, le phénomène oculaire, puis jusqu'au cerveau, quel est le résultat réel que chaque individu voit? Okay? Moi, je peux voir du rouge, mais j'ai appris que c'était bleu. C'est-à-dire que la réaction que j'ai, qui est chimique, qui est physique en avant de moi, là, la réaction que j'ai de ça, j'appelle ça bleu. Moi, je te présente le même phénomène, mais la réaction que toi, t'appelles ça bleu. Est-ce qu'on a les mêmes réactions, toi deux? OK? Alors, il y a des choses comme ça. Bon. La peur, c'est une chose qui existe, qui est un morceau. Mais un individu, lui, va réagir, par exemple, à la peur de. Il l'interprète à sa manière, OK? Dépendant de comment son schéma, au niveau de son schéma de neurones est fait. Puis son schéma psychologique, c'est-à-dire tous les apprentissages qu'il a eu au cours de son développement, d'enfant à aller jusqu'à adulte. Alors lui, la peur, il va avoir peur que son patron le mette dehors. Un autre va avoir peur que, je sais pas, ça peut être le soir en dormant, il va avoir peur de sa femme, il va avoir peur de ses rêves, il va avoir peur que des schémas du passé reviennent, des dettes, des choses que tu as dit que tu... En tout cas, il va avoir peur d'un futur probable, il va avoir peur... Mais normalement, de toute façon, on a toujours peur de quelque chose qui n'existe pas. On peut pas avoir peur d'une réalité. On peut pas avoir peur d'une réalité. Mon caméraman a peur d'une réalité. La peur, c'est de l'ignorance? C'est-à-dire que c'est une... oui. C'est de l'ignorance, mais c'est une forme de... Mettons que c'est une forme de peur, une forme de définition, une forme de représentation de peur. La peur, c'est toujours une chose, là, mais l'ignorance, c'est une forme. Psychologiquement parlant, l'homme est construit, OK, pour pouvoir agir librement dans un domaine qui est connu de lui. Ce qui fait que l'homme va avoir une soif intense de connaissance continuelle de son extérieur. OK? Vu qu'il croit qu'il connaît bien l'intérieur. Il vient toujours à un moment donné où c'est que l'extérieur est tellement vaste qu'il va arrêter de chercher l'extérieur, il va essayer de voir l'intérieur. L'intérieur est aussi vaste. Alors, le fait de ne pas connaître quelque chose va créer automatiquement, OK, une crainte. Parce que notre psychologique, la manière que l'homme est construit, il est fait pour fonctionner dans un monde connu. Bon. Mais ça, c'est une forme. Parce qu'à un moment donné, moi, je peux dire, je crois sincèrement, par exemple, que je vais faire un cauchemar cette nuit, là, je prends un exemple comme ça, c'est pas une ignorance. C'est-à-dire que c'en est une, mettons, plus profondément, là, c'est-à-dire que okay, la personne ne comprend pas le phénomène de la peur. Mais elle n'a pas peur parce qu'elle ne comprend pas le phénomène de la peur. Elle a peur parce qu'elle sait qu'elle va avoir un cauchemar. C'est plus l'ignorance, elle a peur pareil. Elle sait qu'elle va avoir un accident. OK, ça veut dire qu'elle sait mal, mais c'est pas parce qu'elle ignore qu'elle a peur. Là, c'est parce qu'elle est convaincue qu'elle sait que. Alors, la peur vient pas nécessairement de l'ignorance. C'est un schéma. Par contre, la peur va venir pas de ça. La peur vient simplement d'un conflit interne, OK? Je vais t'expliquer c'est quoi. Mais je voulais pas en parler à soir parce que la psychologie de la peur, c'est une conférence que je fais prochainement jeudi. Fait que moi, expliquer brièvement. Non, mais là, tu le sais. Moi, expliquer brièvement, mais pas trop. Là, c'est des sujets pour d'autres conférences. Pas pour dire quand il va y avoir du monde, mais... OK. Là, ce qui arrive... Au niveau de la peur, n'importe quelle personne sur la Terre, OK, dans l'état présent de sa constitution astrale, de sa constitution psychologique, émotive, OK, n'importe quelle personne a un désir, a des désirs, tout court. Toi, tu désires être grand, donc tu désires ne pas être petit. C'est évident. Tu désires être riche, tu désires donc ne pas être pauvre. La palisse l'a déjà dit, ça. OK? Tu désires être ici, tu désires ne pas être ailleurs. Tu désires être au chaud, tu désires ne pas être au froid. Tu désires rencontrer ta femme, tu désires ne pas la rencontrer. Donc, à l'instant où c'est que tu as un désir, puis l'homme, OK, il est construit présentement en fonction, justement, de désir. OK, l'astral est le désir, parce qu'en désirant, l'astral s'exprime, puis en s'exprimant, l'astral existe. En existant, l'astral s'exprime, puis en s'exprimant, l'astral existe. C'est une affaire qui est auto-engendrée. La psychologie de l'homme est de même. Ton émotion d'amour, elle existe quand tu as une émotion d'amour. L'émotion de peur existe quand tu as peur. OK, bon. Alors, ce qui arrive, c'est qu'en ayant... Tu as toujours des désirs, OK? C'est un des problèmes de l'humanité, là. Mais c'était pas un problème, là, quelques années, en reculant jusqu'au début de l'homme. C'était pas un problème, c'était une nécessité. Mais il vient un moment donné dans l'évolution de l'homme, dans son schéma évolutif, où c'est que le désir devient un problème. OK? Il y a des choses qu'on comprend pas, puis qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse. Mais si on les comprend pas, on fait un choix, puis on risque toujours de faire la mauvaise foi. En ayant un désir... Tu as automatiquement le désir antagoniste. Je désire être grand, je désire ne pas être petit. Ça crée un conflit dans l'homme. Ce conflit-là, c'est ça qu'on appelle la peur. Si tu désires être grand, tu ne veux pas être petit, tu as peur d'être petit. Si tu désires être riche, tu ne veux pas être pauvre, tu as peur d'être pauvre. Si tu désires, sans t'attacher à ton désir, il y a quand même un léger stress qui va quand même naître à l'intérieur de toi, sauf que si à un moment donné, tu peux pas devenir riche, ben, vu que tu t'attaches pas à ton désir d'être riche, tu élimines déjà un mot du gros problème. Mais n'empêche que tant que tu as la possibilité d'être riche, tu as un léger suspense qui fait que, tu sais, ça te motive, mais c'est une peur. La peur vient pas de l'ignorance. La peur vient simplement du conflit qui existe entre un désir et le désir antagoniste. L'homme a besoin pour vivre présentement, OK, son psychologique est bâti en fonction de vivre dans un domaine connu. Donc, l'homme désire connaître. Automatiquement, l'homme désire ne pas ignorer. Automatiquement, l'homme a peur d'ignorer. Automatiquement, l'homme a peur de ce qu'il ne connaît pas. Mais ce n'est pas l'ignorance qui crée la peur. C'est tout pour la peur. Le conditionnement. Conditionnement. Pavlov. Tu connais? Oui. Pratique l'apprentissage de ses erreurs. Ben, le conditionnement, c'est... Il a travaillé beaucoup sur les animaux. Ouais, j'ai déjà lu d'ailleurs une affaire avec Pavlov, c'était assez amusant. Tu avais mon bonhomme, Pavlov, OK, qui regardait des souris. Il avait conditionné les souris à que quand une souris pèse une palette jaune, elle reçoit un morceau de fromage que lui donnait. Puis quand elle pesait sur une rouge, ben là, elle avait rien. Fait qu'à la longue, à force de peser sa palette jaune, puis oui, la souris recevait un fromage, ce qui fait qu'à un moment donné, ben la souris, elle a appris. Fait que mon Pavlov, il est devant la cage avec un de ses collègues, puis il lui explique comment il a réussi à la conditionner. Ils sont deux souris dans la cage. Puis la souris, elle explique à l'autre comment elle a conditionné le bonhomme en haut. Quand elle met à patte sa palette jaune, le cave, il donne un morceau de fromage. OK, le conditionnement, il marche souvent comme ça. Les gouvernements conditionnent les peuples, mais les peuples conditionnent les gouvernements. Le peuple ne sait pas qu'il est conditionné. À un moment donné, on l'apprend. On le crie pour se plaindre, là, pour chialer un peu, là, mais c'est pas vécu par le peuple qui est conditionné. Parce que du moment que c'est vécu par le peuple peut plus être conditionné. Le gouvernement est conditionné par le peuple aussi. Même un gouvernement communiste n'a pas le choix d'être conditionné par le peuple. Okay? Le gouvernement, lui, c'est mon Pavlov, les souris, c'est le peuple, là, mais les deux sont conditionnés, puis les deux, de façon, leur conditionnement est inhérent l'un à l'autre. Si toi, tu veux conditionner quelqu'un, tu vas donc le forcer à faire des choses, OK, que normalement, il ne ferait pas. Mais si tu n'as pas de peuple à conditionner, tu ne perdras pas ton temps à le conditionner. Par le fait que tu aies un peuple à conditionner, le peuple t'oblige donc à le conditionner. Le peuple t'oblige donc à perdre du temps à le conditionner. Le peuple te conditionne donc à le conditionner. OK? Bon. Puis ton peuple, ça c'est réciproque. Le peuple, lui, ben, il veut de quoi du gouvernement? Le gouvernement, de toute façon, s'il veut rester en place, veut pas, faut qu'il réagisse à certaines vibrations du peuple. Le conditionnement, il est auto-généré par le conditionnement même. Un chef, c'est quoi un gouvernement ou un chef? Prenons un chef, là. Un chef se doit de continuellement créer la condition nécessaire à sa présence. C'est important. Puis un gouvernement se doit de créer et de nourrir la condition nécessaire à sa présence. C'est à ça que ça sert, un gouvernement. Ça sert juste à ça. Puis le peuple, bien, le peuple dans la condition qui est, lui avec, se force continuellement de créer la condition qu'il garde ou ce qu'il est. Puis présentement, bon, on en est toujours à répéter les mêmes genres de sociétés, les mêmes genres de phénomènes, les mêmes genres de gouvernements. On change le nom. C'est ça. Qu'est-ce qui va amener une nouvelle société? Qu'est-ce qui peut casser cette chaîne-là? Bien, l'homme, présentement, OK, occultement, l'homme, présentement, c'est un être qui est conditionné puis qui fonctionne conditionnellement. D'accord? Qui est conditionnel aussi. Le gouvernement est peuplé d'hommes qui ont donc les mêmes fonctions que le monde du peuple, qui ont aussi les mêmes apprentissages, les mêmes raisons d'être que le monde du peuple. OK, au niveau d'un petit macrocosme sur la Terre, certains êtres ont des travaux différents, OK, que l'homme peut attacher une certaine importance. Mais en termes cosmiques, là, microcosme, je parle de tout macrocosme. Fait qu'en termes grandioses, là, en termes d'univers, ben là, le travail, c'est pas plus important que ça. L'homme lui-même, dans son conditionnement, l'homme découvre, il apprend. À un moment donné, tu as tes souris. OK? Si tu veux les nourrir, mais que toi, tu sais pas quand la souris a faim, c'est intelligent de conditionner la souris. Alors, il est venu à un moment donné où c'est qu'il y a des... Bon, j'aime pas ces termes-là, là, mais des forces intelligentes, des vibrations, des aides de lumière, en tout cas, des cossins, qui, à un moment donné, ont conditionné l'homme, ont envoyé quelque chose pour conditionner l'humanité, pour que l'humanité puisse faire quelque chose d'intelligent, même si l'humanité n'avait pas l'intelligence dans elle. La souris, c'est pas, mais la souris finit par être conditionnée, fait quand elle a faim, elle demande à manger, on lui en donne. Mais si la souris apprend pas à le demander, ben à un moment donné, la personne qui nourrit peut pas lui en donner, fait que ça cause un problème, la souris peut mourir, la souris va souffrir, etc. Alors, c'est une technique extraordinaire, utile, pratique, le conditionnement. Bon. Sauf qu'il vient un moment donné où c'est que l'esprit de l'homme, OK, à travers les expériences des générations qui ont passé avant elle, l'homme finit par ne plus avoir besoin de conditionnement, c'est-à-dire que l'homme n'a plus besoin de croire quelque chose pour le faire. L'homme est rendu à un point où ce qu'il doit comprendre quelque chose pour le faire. Ce qui est très différent. Certaines personnes, de par le concept psychologique qu'on a, la conception, vont s'attacher tout le temps à ce qu'ils connaissent parce qu'ils ont, par le phénomène désir, là, peur de ce qu'ils connaissent pas. Alors, ce qui fait qu'une personne va peut-être désirer rester conditionnée, comme les étudiants qui vont à l'école, ben, leur vie est toute menée, tout ça. Quand ils vont sur le marché du travail, ben, entre le marché du travail puis quand ils ont laissé leur école, il y a un laps de temps où c'est qu'ils sont pas conditionnés quotidiennement. Ils ont un conditionnement pareil qui reste au niveau de leur mémoire, là, mais là, ils sont perdus parce que le conditionnement quotidien disparaît. Quand ils commencent à travailler, le conditionnement revient. Mais vient un moment donné, puis là, on est rendu à cette époque-là, justement, où c'est que l'individu doit comprendre. Pour comprendre, l'individu doit subir certains chocs qui vont lui faire prendre conscience du conditionnement, mais prendre conscience avec que cette école-là est finie pour lui. Donc, il va laisser l'école, puis avant de tomber sur le marché du travail, justement, il va avoir un laps de temps où c'est que l'individu, comme tous ceux qui lâchent l'école et qui cherchent du travail, l'individu va être perdu. L'individu va avoir peur. L'individu va se demander s'il doit revenir à l'école, donc au conditionnement religieux, social, de n'importe quoi, okay? Philosophique. L'individu va se demander s'il revient en arrière, parce que c'est plus rassurant, ou s'il continue, il sait pas ce qu'il va trouver. Ce qu'il va trouver, c'est quelque chose où justement, où ce que l'homme devient intelligent, mais je parle pas par là intellectuellement. Il vient pas intellectuellement, il vient intelligent. Mm-hmm. Différent. Présentement, on a une intelligence qui est passive en nous, qui est notre conditionnement, justement. Puis à un moment donné, c'est une intelligence qui va être active, qui va créer, pas de par le conditionnement, pas de par la mémoire de l'homme. Mm-hmm. Mémoire de l'homme, mémoire psychologique, mémoire physique, mémoire vitale, ce qui tient l'homme en vie. Alors, le conditionnement, ben, c'est bon, sauf qu'on en arrive à une époque où, par différents chocs, par différentes brisures, différentes scissions qui vont faire mal, qui font mal déjà à certaines personnes, c'est pas nouveau, ça, que le monde, à un moment donné, veut laisser leur conditionnement. Ça fait des milliers d'années que certains individus qui, justement, ont à subir ces phases-là. Mais là, de plus en plus, c'est plus un individu à travers quelques milliers, ça va être des milliers d'individus à travers quelques millions, puis à un moment donné, ça va être des dizaines, des centaines de milliers. Mm-hmm. Ça ira sans doute pas plus loin que ça. Ça, c'est pas grave. Les chocs que tu parles, c'est quel genre de chocs? C'est pas les chocs du futur. C'est les chocs psychologiques. C'est-à-dire, quel genre de choc? Moi, j'étais un choc. Passoire. C'est des chocs où, justement, à un moment donné, tout ce que tu croyais, tout ce que tu avais conceptualisé pour toi-même, ce que tu aimais discuter, les choses qui te permettaient de bien dormir la nuit. Par exemple, on dit, on croit à la réincarnation. Mais le phénomène de croire à la réincarnation, c'est pas un phénomène de savoir que la réincarnation existe. En mourant, on va savoir. Ce qui fait qu'on croit à quelque chose qui peut et qui peut exister et qui peut ne pas exister. On croit à quelque chose qu'on sait pas pantoute. On croit à du brouillard. OK? Mais ça, à un moment donné, ben pour vu qu'on fuit certains concepts qui parlent de tu meurs, tu vas au paradis, puis à la fin des temps, on te redonne ton corps. Il y a des concepts à un moment donné où c'est que l'homme, que l'homme va fuir pour adopter d'autres concepts, d'accord, qui sont peut-être à une échelle plus haut sur le chemin de l'évolution, dans le fait que l'homme fait un changement. C'est juste ça qui fait que c'est plus haut. Mm-hmm. Part de la réincarnation, va-t'en au paradis. Part du paradis, va-t'en à la réincarnation. T'as fait autant de pas. T'as changé. T'as douté de quelque chose, t'as changé. Il va venir un moment donné où tu vas douter de tout. Tu vas commencer à laisser tomber des choses. Tu les garderas pas avec toi parce que tout le monde y croit, parce que tu l'as appris depuis ta jeunesse, parce que c'est écrit dans des livres ou parce qu'un tel le dit. Mm-hmm. Okay? Alors, il vient un moment donné au niveau du changement. Okay? La personne va briser. C'est-à-dire qu'elle va abandonner le concept, par exemple. On parle, je dors le soir, j'ai pas peur de mourir, on se réincarne. Si j'ai un accident dans le char, ben non, si j'ai une maladie, ou si je me fais assassiner dans mon dépanneur, ben c'est pas grave, on se réincarne. Bon, ça, ça permet à la personne de vivre, ça lui permet de bien dormir. Mais vient un moment donné où c'est que la personne va se dire, ouais, on se réincarne, mais merde, qu'est-ce que j'en fais? Je l'ai lu, je l'ai vu, tout le monde y croit, c'est la mode. Mais d'un coup, je me réincarnerai pas. D'un coup, que je meurs, puis que je le sais même plus après ça ce qui se passe. Que j'ai même pas que ma conscience suit même pas ça. D'un coup, qu'en mourant, je continue à vivre, mais que je le sais pas que je vis. Si j'ai pas la conscience que je vis, c'est comme si j'étais mort. Tout d'un coup, qu'au cas où que. Bon, mais vient un moment donné que la personne là, commence à avoir peur. Des chocs, ça. Là, c'est un petit choc gros de même. Quand elle lit n'importe quel livre, ça va la ramener au concept. Ça va la ramener à son conditionnement. Pas de problème. Mais qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, la réincarnation, ça ne change rien pareil dans le fait que la personne qui y croit ne le sait pas. Il va venir un moment donné où ce que la personne va finir par douter puis par abandonner toutes les choses qu'elle ne peut pas vérifier. C'est normal, c'est ça. C'est là qu'il faut qu'on en arrive. Elle va vouloir les vérifier. Mais là, le corps de l'homme, le cerveau de l'homme est rendu à un point où il y a des choses qui peuvent être vérifiées par l'homme, justement, si l'homme en fait la demande. Pas à l'église, pas en priant, là. OK? Puis il y a un moment donné où c'est que dans le cheminement de l'homme, là, il y a des preuves, il y a des choses qui vont se passer, qui avant arrivaient seulement à une élite très, très particulière de la Terre. Mais à un moment donné, là, c'est plus l'élite. Tu fais pas comme Superman. Tu l'es, Superman. Mais la personne, elle se croira même pas elle-même. Bon, c'est des chocs de plus en plus choquants. Ça va créer des peurs. Elle va finir par comprendre la peur. La peur va disparaître. Ça va créer le doute. Elle va finir par comprendre le doute. Elle va finir par acquérir le savoir. Mais quand je parle du savoir, c'est pas une connaissance intellectuelle. C'est pas une connaissance, quelque chose que tu as vécu à un moment donné, que tu as expérimenté, que tu gardes en mémoire expérimentale. Puis que ça, tu dis, ça, c'est un savoir. C'est pas ça, un savoir. Mais à un moment donné, les individus s'en rendent compte. Ça sert à rien qu'on en parle, ils vont le vivre. Mm-hmm. C'est des chocs. Très bouleversants. Ça amène des scissions des familles. Ça amène des séparations. Des reniements de familles complets d'enfants ou d'enfants reniant les adultes, leurs parents. Ça amène des abandons de travail, des abandons d'école. Ça amène de la drogue, ça amène un paquet. Ça amène exactement ce qu'on a présentement. Mais ça, c'est juste un début. C'est très allé, c'est très petit. Mais l'homme s'en va pas en décadence par ça. Mais c'est un choc. À un moment donné, il y a des individus qui, présentement, ont déjà traversé cette phase-là, qui vont justement aider ceux qui vont la traverser. Mais de plus en plus, c'est évident que l'homme s'en va vers un choc. Pourquoi que, j'allais justement te poser la question, pourquoi que les chocs sont toujours choquants? Ben, c'est pour ça qu'on s'appelle des chocs. Ben, parce que, simplement, à cause de la conception de l'homme, la manière que l'homme est fait. Parce qu'on oppose une résistance? Ben oui. C'est normal qu'on oppose une résistance. C'est tout à fait normal, mais... Si je te dis, regarde, simplement, présentement, tout ce que l'homme sait, c'est des choses qu'il a appris. OK? Mm-hmm. Si l'homme l'a appris, c'est des choses qu'il ne savait pas. Si l'homme les savait pas, c'est que l'homme n'avait pas la possibilité de savoir. Instantanément, d'une façon pure. Donc, l'homme l'a appris. C'est teinté par celui qui l'a enseigné. C'est teinté par son apprentissage au niveau du vocabulaire. C'est-à-dire que pour un cheval, pour un, c'est pas le même cheval pour l'autre. Ce qui fait que quand tu lis une Bible au complet, bien, à un moment donné, tu peux en écrire une deuxième. T'es bien convaincu que tu transcris la première. Puis c'est un autre livre. Alors, ce qui fait que, apprenant comme ça, tu peux jamais connaître la réalité. C'est impossible. La réalité, si moi je l'ai, je peux la transmettre par télépathie. C'est-à-dire que instantanément tu as la même chose. Ce qui n'est pas le cas présentement. Alors, ce qui fait qu'on l'écrit, on le parle. Bon. Tu ne peux pas faire autrement qu'apprendre, puis tu apprends des choses que tu ne sais pas. Tu les intellectualises, c'est-à-dire que tu peux t'en servir pour discuter, mais ta connaissance s'arrête à la limite de la mémoire de ce que tu as appris. Donc, tu n'as pas expérimenté, tu n'as pas vécu, puis tu ne sais pas si ce que tu sais, selon toi, est vrai ou non. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, ben, t'es fait. T'es dans le doute. Puis si moi, je te dis à un moment donné, ou toi, tu vis, tu te rends compte que tel phénomène est vrai, que telle expérience, c'est telle chose, ben, ça va pas avec ce que t'as appris. Ça peut pas aller avec ce que t'as appris. Ça a tellement été déformé que ça peut pas aller avec. La vie va enseigner comme il faut. De plus en plus, il y a des êtres aussi qui vont commencer à enseigner comme il faut parce qu'ils vont s'amuser à briser les formes en enseignant. C'est commencé. Mais c'est pour ça qu'il y a des chocs, puis le choc est choquant, c'est dur. Parce qu'à un moment donné, toi, tu recouvres toute ta psychologie d'une peau. Puis cette peau-là, à un moment donné, il faut que tu l'arraches. Ben, ça fait mal. Puis c'est épeurant. Il faut l'arracher parce qu'on s'attache. À la peau. Mais la peau s'attache aussi à toi. Parce que ta mémoire, à un moment donné, c'est l'expérience. À un moment donné, des choses qui vont se passer avec ça. La mémoire n'est pas juste dans le cerveau, mais la mémoire est dans chaque cellule. Ben, c'est évident. Et comment changer la mémoire des milliards et milliards de cellules? C'est pas important que tu changes la mémoire, mais c'est l'attachement que tu y mets à ta mémoire qu'il faut que tu changes. La mémoire, elle, tu peux pas changer. Elle, ce qui est dedans va rester dedans. Mais l'attachement que tu y mets, puis la confiance que tu y mets, puis le contrôle que tu lui octroies à cette mémoire-là sur toi-même, c'est ça qu'il faut changer. Pas la mémoire. C'est bon, la mémoire. Pas quand la mémoire contrôle tout. Ça, c'est plus bon. Si t'as vu un film d'horreur, tu peux pas te coucher le soir, qu'est-ce qui se passe? Si t'as pas de mémoire, tu dors très bien le soir. Si ta mémoire est là, pas de contrôle. Exactement, c'est le même phénomène qui se répète à un niveau plus ésotérique. Si tu vois tel esprit à un moment donné à côté de ton lit, tu te rendors pas tout de suite. Non, parce que ta mémoire, justement, te le ramène à l'esprit. Ouais. Mais la mémoire n'est pas dangereuse. Tu te fais charrier à cause de ça. Eh oui. À cause de l'attachement. L'attachement que tu as à ce phénomène mémoriel-là. Eh oui. Et comment vivre dans notre société sans avoir aucun attachement? Ben, c'est pas bien compliqué. Mais c'est dur à en arriver là. Ce Bouddha parlait de ça aussi. Oui. Le non-attachement à tout. Oui. Au sens, il y en a beaucoup qui se sont attachés au non-attachement. Bon. Fait qu'ils sont tombés dans le même piège. Parce que quand tu agis par croyance, ou encore tu agis par mimétisme, tu suis quelqu'un, tu comprends pas, tu le sais pas. Si toi, tu inventes ce que Bouddha a fait, c'est à toi. Si tu suis, tant que c'est une vie d'emprunt, là, une vie de seconde main, ben, t'as des fortes chances de suivre plus longtemps en crime pour rien puis de pas arriver au même résultat. Mais jamais, jamais, jamais bon à l'autre. Jamais. Ben, c'est jamais, ben, c'est bon à un moment donné, mais dans la quantité, c'est parce c'est que plus la bon. Personne l'interprète. Automatiquement, c'est jamais la même chose quand même. Ça ressemble. Oui, mais au niveau du dosage, si tu prends comme du pain, je vais t'expliquer, non, du pain, je c'est bon ce que pour tout le monde. C'est, oui, mais d'accord, mais en termes psychologiques, c'est différent du pain. Mais on va t'expliquer mieux ce que je veux dire, là, OK? C'est vrai que, par exemple, l'enseignement de Bouddha est bon pour un certain nombre de personnes. Mais c'est bon à un certain nombre de personnes parce que chacun de ces individus-là, a transformé l'enseignement de Bouddha pour se l'adapter à lui. Puis quand la transformation devient exagérée, c'est plus bon pour les individus qui sont exagérés. Mais Bouddha, en essence pure, était bon que pour lui. Toi, tu y touches, tu l'adaptes à toi, tu trouves que c'est bon pour toi. Mais tu l'as adapté. C'est pas ce que Bouddha a fait. Pour ça, je te dis qu'en fin de compte, c'est bon pour personne, la chose elle-même, pure comme elle est. Ben, l'adaptation de la chose peut servir à différentes adaptations de personnes. Puis, il y a un moment donné que là, il faudrait te transformer trop, que c'est plus ça. Puis là, effectivement, c'est pas bon pour ceux pour qui il faudrait te transformer trop. C'est ce que Jésus disait, quitte tout et suis-moi. Ça veut dire quitte tout et suis mon image. Ouais, ben là, c'est un jeu de mots, là. Je peux pas dire si Jésus, à l'époque, faisait des jeux de mots comme ça en hébreu, là. Mais si tu suis son image, oui. Quitte tout. Ça dépend au niveau de ta personnalité. Non, pas vrai, pas besoin. Et t'es tout petit. C'est moi qu'il fallait faire. Ouais, c'est quitte Jésus et suis mon image. Avec une serviette. Ouais. Non, s'il aurait dit ça, là, j'aurais été d'accord avec. Faut dire que pour l'époque, il n'aurait pas fallu qu'il dise ça. Le monde, il aurait suivi son image, puis il n'aurait rien quitté pas à tout. Non, il y a, Parce qu'on a besoin. des choses, c'est ça. Chaque chose en son temps. Puis je pense qu'à un moment donné, on est rendu un temps où tu sais qu'il y a des choses qui ont été dites par Jéhovah, par Jésus. Et puis qui fait que ben c'est plus nécessairement ça qu'il faut appliquer aujourd'hui. Ayez la foi, non, n'ayez plus la foi. Comprenez ce que vous faites. C'était bon la foi avant. Ils pouvaient même pas comprendre le mot comprendre à l'époque. C'est évident que l'imagination étant plus forte, ben, c'est l'imagination qui est envoyée là. La foi. Croyez. Vous pouvez pas comprendre? Fiez-vous. Mais ben, le monde, ils se sont fiés. Il y en a qui ont fait des églises de Satan, il y en a qui ont fait des églises de Jésus-Christ, il y en a qui ont fait d'autres églises. C'est ça. C'est ça que la foi amène, l'erreur. Il y a un temps pour tout. Mais oui. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de tout, il n'y a pas de temps. En tout cas, c'est une autre conférence, d'ici un an ou deux. Parce que là, c'est trop loin. Mais, le temps, c'est quelque chose, le temps. Non. C'est rien. On peut parler de Joshua, de bord. Jésus-Christ. Il fait partie du temps. Il fait partie de notre mémoire. La mémoire fait partie de notre présent. Parce que ce qui n'existe pas dans le présent, ça peut pas même exister. On peut avoir l'apparence, ça peut donner l'apparence que ça existe. Ça peut donner l'idée que ça existe. Mais ça n'existe pas. Mais en tout cas, à un moment donné, on reviendra là-dessus. C'est très intéressant, mais c'est pas le temps. Jésus arrive et il traverse l'éther de la planète Terre pour apporter une nouvelle conscience. Parce que c'était le temps, il y a 2000 ans, que cette nouvelle conscience existe. Aujourd'hui, il y a d'autres choses qui amènent d'autres consciences. Oui. C'est quoi? C'est les mêmes genres d'énergie canalisées différemment. Puis, en termes d'individus, c'est évident que ça va créer certains genres d'êtres humains qui, eux autres, vont servir de canal pour pouvoir adapter ces énergies-là, ce savoir-là, pour pouvoir le donner aux autres êtres humains. Bon. Il n'y aura pas un Jésus. Il va en avoir plusieurs. Il y en a déjà ici, à Terre. Bon. Ils sont capables d'adapter certains pouvoirs qui, normalement, mettons, détruiraient les corps humains présentement, détruiraient les cerveaux, qui sont pas encore aptes. Il y a une psychomutation qui est en cours. Les cerveaux qui travaillent présentement d'une façon chimique électrique va finir d'ici peu de temps par fonctionner d'une façon totalement électrique. Il est des milliards de fois plus rapide. Puis qui, justement, permet, à un moment donné, les neurones vont s'habituer à transporter des courants électriques de plus en plus gros. Ça fait que l'énergie va pouvoir vibrer de plus en plus fort à l'intérieur d'eux autres. Puis, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que le schéma astral va être... le contrôle du schéma astral va être balayé. Bon. Ces énergies-là, ben, sont déjà à l'intérieur de certains individus. Ces individus-là sont à l'intérieur de certaines populations. Puis c'est ce qui arrive. De plus en plus. Alors, ces individus-là parlent. Explique. Puis le monde sont de plus en plus prêts à comprendre. Puis le monde, ben, il y en a qui comprennent, mais il y en a qui comprennent seul Jésus aussi. Puis il y en a pour qui ça fait mal, puis il y en a qui, ben, qui sont bouleversés complètement par leur schéma psychologique, le schéma astral. Pour comprendre ces choses-là, il faut pas nécessairement que tu appartiennes à un mouvement, une secte, une religion. Non, non, c'est la philosophie. Non. La vérité peut pas être contenue sous un toit. C'est absolument illogique. Non. Ça devient... comme disaient mes amis, là, ça devient comme une brique qui te tombe sur la tête. T'as pas besoin de connaissances ésotériques. T'as pas besoin de lire de livres. T'as pas besoin d'aller dans aucune école. T'as pas besoin de suivre de cours. T'as pas besoin de rien. Certains individus vont en arriver là un peu plus vite s'ils s'adonnent à certains genres de techniques, de cours. Parce qu'ils vont se rendre compte que ces choses-là servent à rien plus vite que d'autres. Non. Tu comprends à un moment donné ou tu comprends pas. Puis, tu peux pas avancer dans le tas de ta compréhension. Pour l'être humain, c'est compliqué à admettre pour la simple raison que l'être humain a toujours le désir, à un moment donné, d'arriver plus vite à certains résultats dans le but de fuir ou de finir par quitter la vibration de douleur, de malheur, de misère qui accompagne les êtres humains présentement. Alors, ils ont le désir d'arriver plus vite à un état d'évolution plus grand où ils vont pouvoir, soit matérialiser eux-mêmes leurs affaires ou faire de la télépathie ou, ben non, faire de la télékinésie, de la métagnomie, du cumberlandisme, etc. Mais vois-tu, c'est que la télépathie, ben, toutes ces choses-là, la lévitation, etc., tu peux les développer par une technique. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà faite, il y en a beaucoup qui s'y adonnent, qui n'y arrivent pas. Bon. Ces techniques-là peuvent t'amener le résultat escompté, lévitation, télépathie, magnétisme, guérison, etc. Mais le résultat même ne t'amène pas une évolution pour autant. Okay? Que tu saches comment faire des meubles parce que tu es menuisier ou que tu saches comment marcher sur l'eau, c'est deux techniques, deux apprentissages possibles pour l'être humain, possibles pour son corps, possibles pour la planète où il vit, possibles pour le monde dans lequel il existe. Mais le fait que tu plantes des clous, tu fabriques des meubles, OK, pas parce que tu réussis à faire un meuble que automatiquement ça t'amène l'évolution. Si, à un moment donné, Jésus-Christ marchait sur l'eau, puis que toi, à un moment donné, tu marches sur l'eau, tu seras pas Jésus-Christ. Tu vas être deux marcheurs sur l'eau. Sauf que toi, tu auras perdu ta vie à faire des techniques pour avoir un résultat, puis lui va simplement avoir transmuté certaines choses, puis automatiquement, normalement, ces résultats-là viennent avec. Il y a plus de gens qui font des meubles qui marchent sur l'eau. Oui. Parce que le monde y croit plus à la fabrication des meubles qu'à marcher sur l'eau. Parce qu'ils ont décidé que ça, c'était miraculeux, puis automatiquement, ils l'ont relégué au loin de leurs possibilités. Mais il y a du monde qui font des guérisons, il y a du monde qui s'auto-guérissent, pourtant c'est aussi incroyable. Mais quand ta vie est en danger, à un moment donné, il y a des choses que tu relègues un peu moins loin. Mais le fait de pratiquer une technique ou quelque chose comme ça, d'aller dans n'importe quelle école, tout ce que ça peut te faire, ça peut t'amener certains résultats, mais ça peut pas t'amener l'évolution. Ça peut pas t'amener une compréhension. Ça peut pas t'amener une mutation. Ça vient tout seul, à un moment donné. Mais qu'est-ce qui fait que ça arrive à un moment donné à quelqu'un et que ça n'arrivera pas Ben, c'est simplement qu'à un moment suite à une donné, autre dans personne? un même arbre, le fruit est mûr, c'est une branche, puis le fruit est pas mûr, c'est une autre branche. Ce qui fait qu'il y a un fruit qui tombe, qui est prêt à pousser, puis l'autre fruit tombe pas encore. On peut secouer l'arbre un peu. C'est une C'est ça question que d'énergie. certains font. Oui, c'est une question d'énergie, une question de... C'est ça. Tout est fonction d'énergie. Quelqu'un qui est prêt, il est énergétiquement prêt. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un est prêt? C'est quelque chose qui n'est pas encore compréhensible par la majorité de des êtres humains. Puis c'est quelque chose qui ne servirait pas à l'être humain à comprendre. Alors, c'est quelque chose qu'on ne parle pas. Moi, je trouve que c'est intéressant de savoir pourquoi que Très, très intéressant. Il y a bien des choses qui sont pourquoi intéressantes. que à On un en moment parle donné, tu es dans... prêt à quelque chose, puis à un autre moment donné, tu n'es pas prêt à d'autres choses. Pourquoi qu'aujourd'hui, tu es capable de supporter tel courant ou telle pensée, et 15 jours avant ou 2 ans plus tard, tu vas être prêt à supporter d'autres choses encore plus? Parce que le phénomène d'être prêt, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlé par l'homme. Qui n'est pas contrôlable par l'homme. Puis, dans le fait de se sentir prêt pour un individu, il y a une immense part de l'astral, de tout le phénomène émotif de l'homme qui s'y mêle. Ce qui fait qu'à un moment donné, moi, je suis prêt, je me sens prêt, parce que je désire que ça arrive. Si je me mets à expliquer comment qu'une personne peut être prête, ben, il y a beaucoup de personnes qui vont automatiquement intellectualiser ces choses-là, qui vont les additionner à leur pseudo-préparation, mêlée de leur désir d'être prêt, qui vont finir à un moment donné par se sentir prêt à tenter certaines expériences, puis qui sont justement pas prêts à ça. Si à un moment donné, on va quelque part, je t'amène, et puis il y a des choses qui apparaissent devant toi. Tu peux discuter avec eux autres. Donc, tangibles, matériels. Quand il passe, là, il accroche des plantes, il bouge les plantes, tu peux le toucher. T'as beau avoir vu ben ben des vues, avoir lu ben ben des livres, tu peux être prêt, tu peux ne pas être prêt. Pour la simple raison que tout dépend, OK, qu'est-ce qui fait qu'un homme est prêt, là, mettons, sans que ce soit dangereux pour l'homme, là, faut pas expliquer. C'est simplement le contrôle qu'a l'astral sur ton corps mental. C'est-à-dire, le contrôle qu'a tes émotions sur ta faculté de réfléchir logiquement comme un ordinateur. C'est-à-dire, le contrôle que toutes tes mémoires peuvent avoir, OK, puis l'imagination, c'est-à-dire le mélange de ces mémoires-là, peuvent avoir, OK, sur ta possibilité d'interpréter un événement présent. Moins ou plus l'esprit, c'est-à-dire plus ton mental, va être capable de travailler en excluant les phénomènes émotifs, plus l'être qui est comme ça est prêt à certaines autres choses. Un exemple banal de la nuisance de l'astral, de la psychologie, des émotivités de l'homme dans ses décisions mentales, c'est si, par exemple, tu veux t'acheter une auto. L'auto, tu la désires, tu la veux, elle est belle, elle, c'est tout fait quand même, je veux dire, la publicité est faite d'une façon astrale, c'est-à-dire pour toucher ton émotion. Alors, tu veux l'acheter. Là, tu vas automatiquement être perturbé sur les finances. Si tu peux l'acheter, combien tu vas faire tu payes par mois? Vas-tu falloir que tu te prives pour l'acheter? C'est un accident après. Tu vas réagir comment vu que tu l'aimes bien ton char? Si tu n'as pas d'émotion dans l'achat de ton auto, ton mental, c'est un ordinateur. Lui, il calcule ça, ça, ça, ça, ça. Non, je l'achète pas. Ça, ça, ça, ça, ça. Oui, je l'achète. C'est intelligent de l'acheter. Il n'y a aucun problème. Tu peux l'aimer après. Pas pendant que tu achètes. Si tu désires marcher sur l'eau, toute la perception que tu as de tout le travail ou du phénomène même est perturbée par toute l'émotivité qui vient se mêler à ton calcul mental. Si tu n'as pas d'émotivité, tu désireras même pas marcher sur l'eau parce que c'est plus facile de prendre une chaloupe. Tu ne perdras pas ton temps à marcher sur l'eau. Okay? Quand un homme est prêt, c'est simplement présentement, je parle. OK? En ce qui concerne les forces d'énergie qui descendent, bien, qui ont toujours été sur la Terre, mais qui présentement sont accessibles à l'homme, le fait d'être prêt, c'est simplement là. Je peux pas en parler plus que ça. Mais t'es prêt quand tout ton corps astral, quand l'astral de la planète, l'astral des individus puis le tien, OK, ne peut plus ou peut à peine influencer ta perception et tes réactions mentales. Comment être prêt. Mais un individu peut pas savoir qu'il est prêt, parce que quand il sait qu'il est prêt, il est pas prêt. C'est quand il sait, c'est astral. Tu peux pas savoir toi-même si tu es prêt. Mais à un moment donné, il y a des choses qui arrivent. Qui le sait? Les choses. Quelles choses? Ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive? Il y a des événements qui se passent, simplement. Il y a du monde, à un moment donné, qui vont découvrir de quoi. Qui vont avoir une perception, qui vont comprendre, qui vont voir, qui vont entendre, qui vont parler. Le fait, par exemple, que tu vois une conférence, OK? Si tu y vas, puis c'est un hasard qui fait que flac, flac, flac, flac, flac, flac, là, c'est pas ce que tu voulais, puis l'événement fait que ça te met en rencontre avec quelque chose, c'est parce que t'as quelque chose à faire avec cet événement-là. Toi, tu le sais pas, mais l'événement le sait. Qui dirige ces événements-là? Toutes les vibrations. Certains appellent ça des intelligences. C'est un nom qui plaît. Ça se vérifie dans le temps? Oui. Ou avec le temps? Ça veut dire que ça se vérifie toujours sur le moment présent. Nous autres, on dit que ça se vérifie dans le temps, là, mais je veux dire, c'est parce que ça simplifie l'explication du phénomène présent. Mais tu vérifies pas ça dans le futur, tu vérifies ça dans le moment où ça se passe, c'est-à-dire dans le présent. Ouais, mais tu sais, comme on va dire, tu vas avoir des... Non, c'est remarquable dans l'histoire, tu sais. Tu as eu des vendeurs qui sont arrivés, des gens absolument extraordinaires, qui t'embarquaient une foule, puis qui vendaient tous leurs produits, puis que... 2-3 mois après, tu t'apercevais que c'était une fraude gigantesque qu'ils ont fait. Eh oui. Fait que tu le vérifies quand même, ça prend quand même le temps pour vérifier quelque chose. Tu le vérifies à l'instant même où tu le vérifies. Mm-hmm. Dans le présent. Mais ceux qui sont faits charrier pendant des mois, des années, mm-hmm. Ils sont faits charrier. Parce qu'ils ne pouvaient, qu'est-ce qui leur manquait dans leur discernement? Bon, il leur manquait simplement le discernement, pas dans leur discernement. Il leur manquait simplement la possibilité, à un moment donné, de se rendre compte, OK, de quelle façon l'astral, leur désir, le vouloir, OK, psychologique, émotif, OK, il leur manquait la possibilité de se rendre compte jusqu'à quel point ça va perturber leur phénomène, leur perception mentale. Mais si tu recules trop loin dans l'humanité, OK, Le phénomène mental dans l'homme n'était pas développé plus qu'il faut. Ce qui fait qu'en partant, l'homme avait seulement son astral, ses émotions, sa colère, tout ce qu'on appelle l'animalité de l'homme, pour pouvoir prendre conscience d'un phénomène puis se rendre compte s'il était bon pour lui ou non. Alors, le phénomène était bon si lui le désirait, puis était pas bon si lui en voulait pas. Ce qui fait que c'est évident que l'homme pouvait se faire comme du charrier. Plus l'humanité a évolué, plus le corps mental de l'homme s'est développé, le corps intellectuel, le corps qui est rendu comme un ordinateur, qui est informatisé quasiment. Puis ça a été développé. Puis là, il vient un moment donné où c'est que, bon, tu as toujours le conflit entre l'astral, qui veut toujours dominer, entre tes émotions qui dominent tout le temps les décisions de l'homme. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, ben, ta personne, elle se fait charrier parce qu'elle n'est pas capable de contrôler. Elle ne sait même pas que ça se contrôle, OK? Ça dépend. À un moment donné, tu découvres des choses. La personne se rend pas compte, puis justement, elle choisit encore à partir de ses émotions, c'est-à-dire de ses désirs, de des joies que ça va lui apporter, etc. Puis vient un moment donné où c'est que la personne, comme n'importe quelle religion, ou n'importe quelle philosophie, ou n'importe quoi qui plaît, la personne s'y attache malgré que ça se détruit, mais le mental le sait, mais le mental ne peut pas lui dire, la personne, son astral est trop fort. La personne s'y attache, s'y attache, s'y attache, puis là, lentement, ben là, ça s'émiette, ça, là. Puis à un moment donné, le mental peut prendre le dessus. Puis là, lui dit, pauvre bonhomme, ça fait 5 ans sur sa voie. Il vient un moment donné aujourd'hui où c'est que l'homme, tu viens pour lui présenter quoi? L'homme, il réfléchit. L'homme, il se dit, ben non, ça n'a pas de sens. Ça serait le fun, ça serait beau, ça serait merveilleux, j'aimerais ça au coton. Mais coupe-moi ça à moitié prix, puis donne-moi le tout de suite. Et là, le mental est capable de travailler. Le mental est capable de prendre connaissance de l'astral, donc des désirs, des phénomènes émotifs que la personne a. Puis le mental, il est encore contrôlé par l'astral. C'est-à-dire que là, l'astral met le mental à son service dans le but d'avoir un meilleur résultat. On en est rendu là. Okay? Même au niveau de ceux qui, mettons, se parlent ou font des choses, parlent de choses pas mentales, c'est toujours l'astral qui domine, mais l'astral, le mental, OK, finit à un moment donné par prendre conscience des problèmes que l'astral crée en lui dans la perturbation des possibilités de décision qu'il a. OK? Mais l'astral se rend compte, lui, à un moment donné, que s'il laisse faire le mental un peu, ben, il va avoir un meilleur résultat, parce que l'astral aussi sait qu'il n'est pas capable de prendre une bonne décision. Fait qu'il va laisser faire le mental, donc l'astral met le mental à son service en le laissant plus libre. Mais pas libre. On en est rendu là, où est-ce qu'on est capable, ben, la majorité des individus, et de plus en plus, on est capable de choisir un bon livre. Une bonne voiture, une bonne maison, un bon conférencier, une bonne religion, une bonne philosophie, une bonne école, parce qu'on a le désir, mais le mental, maintenant, il est capable de travailler plus librement, puis il va être capable de mieux discerner, de mieux déterminer si ça va avec ce que l'astral veut avoir. Mais avant, c'était l'astral qui décidait tout. L'astral sautait tout de suite, là, puis la personne se faisait avoir souvent. Un peu plus loin encore dans l'évolution de l'humanité, présentement, ben là, c'est pas encore tout à fait établi. Ben, l'homme va simplement décider mentalement pour ce qui est intelligent. C'est-à-dire que c'est une autre forme, le mental supérieur ou un supramental, qui va lui amener des suggestions, puis le mental va s'en emparer, va les étudier, va les calculer comme étant intelligentes, puis va commencer à travailler dans le domaine de l'homme pour que les choses demandées par le supramental puissent arriver. C'est-à-dire que là, au lieu que ce soit l'astral qui, par le mental, OK, puisse établir, puisse créer une forme matériel sur la Terre. Par exemple, on a des autos. C'est l'astral qui voulait un déplacement, qui voulait plus rapide, plus doux, etc. Le mental le lui a donné. On a de l'électronique, on a tellement, tellement de choses qui servent que notre besoin émotif de protection physique, vitale, au niveau de la médecine, puis émotif au niveau des couleurs, du cinéma, de la télévision, de la forme, dans tout cas, bien des choses. Là, le mental a été mis au service de l'astral pour toi. Prochainement, ça s'en vient, assez rapidement, c'est le supramental, le mental supérieur, qui, lui, va commencer à teinter notre mental. Puis le mental, lui, vu qu'il commence de plus en plus à étudier, notre mental va étudier ce que l'astral lui amène, puis il va finir par dire, ben, pas tout de suite. Tu sais, c'est un jouet, ça va être le fun, pas tout de suite. L'astral commence à être biffé. Ça va créer certains chocs, certaines maladies, certains problèmes. Bon, mais en tout cas, ça va, le monde, ils vont quand même passer par là, ils n'ont pas le choix, puis à un moment donné, le mental va commencer à trier ça, puis l'homme va être en santé. Le supramental qui vient teindre le mental, ben le mental va commencer à mettre ses capacités d'ordinateur, là, de mathématiques, de réflexion mathématique et logique, au service des impressions supramentales, puis il va commencer lentement à faire en sorte que dans le monde matériel se crée en matière la réflexion du domaine supramental. C'est toujours le même jeu de... C'est encore le même jeu. Un manipule oui. Ou tu es manipulé. Oui. Un utilise ou tu es utilisé. Oui. Fait que le mental utilise l'astral au lieu d'être utilisé par l'astral. Oui. Le supramental utilise le mental au lieu d'être utilisé par le mental. C'est ça. Encore quelque chose que je voulais pas parler. Pas grave. Parlons. Ton supramental... Il reste 2 minutes. Bon, on va faire ça vite. D'abord, le supramental, OK, contrôle le mental de plus en plus. Présentement, dans l'homme, l'astral contrôle le mental essaie de s'en sortir. De temps en temps, il y a des illuminations et de l'intuition. Ce sont des teintures supramentales, OK? Et puis, à un moment donné, le supramental va prendre le dessus sur le contrôle du mental. Le mental va quand même donner ses bonbons à l'astral, qui, lui, va entretenir le vital puis le physique. Mais à un moment donné, ces corps-là vont finir par, à force de vibrer ensemble, là, ça va donner ce que certains appellent la fusion. Ces corps-là vont tous disparaître, et puis ça va créer une chose absolument différente. Il n'y a pas de fusionner sur la Terre, il y a certaines personnes qui sont en fusion. Voilà. On parle, tantôt on commencera avec ça, si tu veux, la deuxième partie. Parfait. On parle toujours du supramental, mais ce qui supporte le supramental, le mental, l'astral, puis etc., c'est le physique. Oui, mais on en reparlera. C'est pas tout à fait ça. Mais on en reparlera. On commence avec ça tantôt. D'accord. Merci. Oh non, il est là.